إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن الله عز وجل كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، واجتبى منهم من خصه بالنبوة والرسالة، واصطفى من أولئك أفضلهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صفوة بني هاشم، وهاشم خيار قريش، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، اختاره الله عز وجل لهذه الأمة لهدايتها إلى دين الله وصراطه المستقيم. فكانت حياته عليه الصلاة والسلام عبادة وشكرا، ودعوة وحلما، وابتلاء وصبرا، تجلى فيها بخلق سام، وشمائله عطرة، وسيرته عليه الصلاة والسلام حافلة. ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها عنه. قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. متفق عليه. قضى قريبا من شطر زمن رسالته يدعو لأمر واحد هو أعظم أمر أمر الله به، من لم يستجب له فيه خلده الله في النار وحرم الجنة عليه. افتتح رسالته به وقام على جبل الصفا وقال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مكث عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة لا يدعو إلى شيء سواه، ثم دعا إلى بقية الشرائع معه إلى مماته، ووعد صلى الله عليه وسلم من حقق هذا الأمر، أي من حقق التوحيد، وعده صلى الله عليه وسلم بدعوة منه مستجابة له يوم القيامة، فقال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه. شيخ مسلمان مسلمان، الله سبحانه وتعالى a été généreux envers les fils d'Adam et a fait préférer parmi les fils d'Adam d'autres personnes. Et Allah Azza wa Jal, parmi ces personnes préférées, a choisi les élites qui font partie de ses prophètes et de ses envoyés. Et parmi ces prophètes et envoyés, Allah subhanahu wa ta'ala a élu le meilleur d'entre eux, à savoir notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdullah, qui était le meilleur parmi les Banu Hashim. Et les Banu Hashim étaient les meilleurs parmi Quraysh. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un honorable, issu d'honorables. Allah Azza wa Jalla l'a choisi pour guider cette communauté vers la religion d'Allah. La religion d'Allah Azza wa Jalla véridique et vers son chemin droit. Sa vie sallallahu alayhi wa sallam était donc adoration et reconnaissance. Sa vie était appel à l'islam et douceur. Sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, était épreuve et patience. Il était doté d'un comportement exemplaire, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ses qualités, elles étaient plus que sublimes. Et sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, est pleine de leçons et de morale. Il n'y a pas un bien sans qu'il n'ait dirigé sa communauté vers celui-ci. Il n'y a pas un mal sans qu'il n'ait mis sa communauté en garde contre celui-ci. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux vous cacher un bien que j'ai en ma possession. Il a passé une grande partie de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam à appeler à une seule et unique chose, qui est l'ordre le plus recommandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Celui qui n'obéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet ordre divin fera partie éternellement des gens de l'enfer. Et Allah azza wa jalla lui interdira l'accès au paradis. C'est par cet appel, c'est-à-dire l'appel au tawhid, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel. Lorsqu'il s'est positionné au-dessus du mont As-Safa et s'est adressé aux polythéistes de Quraysh en leur disant « Dites la ilaha illallah, vous connaîtrez ainsi la félicité ». Il est resté ainsi, sallallahu alayhi wa sallam, 10 années de suite à la Mecque. Il n'appelait qu'à une seule et même chose. Il appelait à une seule et même chose, à savoir le tawhid. Puis il a appelé à l'ensemble des législations musulmanes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a promis à celui qui répondrait à son appel, à celui qui adorerait Allah Azza wa Jal, sans ne rien lui associer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promet de bénéficier de son invocation exaucée le jour du jugement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, à chaque prophète, une invocation exaucée. Chaque prophète s'est empressé d'invoquer Allah Azza wa Jal par celle-ci. Quant à moi, j'ai réservé cette invocation pour intercéder envers ma communauté le jour du jugement. Et cette invocation profitera par la volonté d'Allah à celui qui meurt dans ma communauté sans ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. كثير التعبد لله عز وجل قام بالطاعة والعبادة خير قيام فقدماه تتشقق من طول القيام في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء وكان جميل الصوت في تلاوة القرآن قال البراء بن عازب رضي الله عنه كما في الصحيحين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه كان صلى الله عليه وسلم خاشع يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ولسانه لا يفتر عن ذكر الله قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله في كل أحيانه رواه مسلم وقال ابن عمر رضي الله عنه إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم كان صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة ويوصي بها قال أنس رضي الله عنه كانت عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وكان عليه الصلاة والسلام يحث صغار الصحابة على نوافل الصلوات قال لابن عمر رضي الله عنه وهو فتى نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait beaucoup son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il priait jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Où il a lu dans une seule rak'at, le surat al-Baqarah, puis surat al-Nisa, puis surat al-Imran. Et le prophète alayhi salatu wa sallam avait une belle voix dans sa lecture du Coran. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter pendant la prière de l'Isha والتين والزيتون, par le figuier et l'olivier, et je n'ai jamais entendu une personne ayant une voix aussi belle ou une lecture aussi belle que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était craintif pendant sa prière sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il priait, l'on entendait le bourdonnement comme le bourdonnement d'une marmite en ébullition de par ses pleurs sallallahu alayhi wa sallam. Sa langue ne se lassait jamais d'évoquer le nom d'Allah azza wa jal. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah dans toutes ses situations. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dit, nous étions dans une seule assise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous comptions les fois où il disait Rabbi ghfirli, ô Allah, pardonne-moi et accepte mon repentir, car tu es celui qui pardonne et le tout miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait cela 100 fois dans une seule et même assise. Il aimait la prière sallallahu alayhi wa sallam et ordonnait à ses compagnons de l'accomplir. Comme le dit Anas radiyallahu anhu, la recommandation générale que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir, la prière. Il encourageait les jeunes parmi les compagnons à accomplir des prières surérogatoires. Il a dit à Abdullah ibn Umar, alors qu'il était enfant, quel bel homme est Abdullah si seulement il priait la nuit, rapporté par Al-Bukhari Muslim. Wa kana yaqinuhu billahi azim, muqinun bi anna kalam Allah fihi shifa. إذا مرض صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بكلام الله. قالت عائشة رضي الله عنها, كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. متفق عليه. وكان معظم للرسل من قبله. قال له رجل, يا خير البرية, فقال ذاك إبراهيم. رواه مسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إطرائه وتعظيمه, فقال, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبد, فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو كل أحد إلى هذا الدين, ولو كان المدعو صغيرا. زار غلاما يهوديا مريضا فقعد عند رأسه وقال له, أسلم, فأسلم الغلام. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع للصغير ويغرس في قلبه العقيدة. قال لابن عباس رضي الله عنهما, يا غلام, إني أعلمك كلمات, يحفظ الله يحفظك, يحفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف في تعليم صحابته ويظهر ما في قلبه من حبه لهم. قال صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد معاد, وقال له, والله إني لأحبك, أوصيك يا معاد, لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه النسائي. Et la certitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son Seigneur était immense. Il avait la certitude que dans la parole d'Allah azza wa jalla il y avait guérison. Ainsi, lorsqu'il tombait malade sallallahu alayhi wa sallam, il se soignait par la parole d'Allah. Aïcha radiyallahu anha dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignait d'un mal, il lisait sur lui les deux protectrices, puis insufflait sur l'endroit où il avait mal. Rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait l'importance, une immense importance aux prophètes qui l'ont précédé. Lorsqu'un homme lui a dit, ô toi la meilleure des créatures, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibrahim, à savoir la meilleure des créatures est Ibrahim, rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la même occasion, a interdit que l'on abuse à son sujet. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, n'abusez pas à mon sujet, comme ont abusé les chrétiens à l'égard du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites, le serviteur d'Allah et son prophète, rapporté par Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait toute personne à cette religion, même si celui qui était appelé était un enfant. Il a rendu visite à un enfant juif qui était malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis auprès de sa tête et lui a dit « Convertis-toi à l'islam ». Le jeune s'est converti à l'islam, rapporté par Al-Bukhari. Il était sallallahu alayhi wa sallam modeste envers les jeunes et envers les enfants. Et il a inculqué dans leur cœur la croyance en Allah Azza wa Jal. Il a dit à Abdullah ibn Abbas, « Ô enfant, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu as besoin d'une aide, demande l'aide d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux dans l'enseignement qu'il prodiguait à ses compagnons. Et il leur montrait l'amour qu'il leur portait, sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris un jour Mu'ad ibn Jabal par la main et lui a dit « Par Allah, je t'aime. Je te conseille, ô Mu'ad, ne délaisse jamais de dire après chaque prière « Ô Allah, aide-moi dans ton évocation, aide-moi dans ta reconnaissance et aide-moi à t'adorer de la façon la plus parfaite. » Wa kana sallallahu alayhi wa sallam لا يعنف ولا يتكبر بل صدره منشرح لكل أحد دخل رجل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأوتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق ليس بفاحش ولا متفحش في الألفاظ وحياؤه عليه الصلاة والسلام أشد من العذراء في خدرها عف اليد لم يضرب أحدا في حياته قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ولم ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح وإذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما وكان صلى الله عليه وسلم طلق الوجه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم وكان صلى الله عليه وسلم واصل لرحمه صادق في حديثه قاض لحوائج المكروبين قالت له خديجة رضي الله عنها إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وكان عليه الصلاة والسلام بارا بوالدته زار قبرها فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار ويحث على حسن جواره وإكرامه وقال يوما لأبي ذر الغفاري إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni méchant ni orgueilleux. Au contraire, sa poitrine était ouverte à toute personne. Un homme est rentré alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons. Et cet homme a dit, ô envoyé d'Allah, un homme étranger qui est venu te questionner sur la religion, un homme qui ne connaît pas sa religion. Puis l'homme a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé son discours, puis est venu, s'est approché de moi, on lui a apporté une chaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sur celle-ci et il s'est mis à m'enseigner de ce qu'Allah azza wa jalla lui a enseigné. Puis il est retourné et a terminé son discours sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté d'un comportement exemplaire. Il n'était aucunement vulgaire, sallallahu alayhi wa sallam. Sa pudeur était plus grande que la pudeur d'une jeune fille vierge recluse dans sa chambre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé quiconque de sa main. Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rien frappé de sa main. Ni une femme, ni un servant, sauf lorsqu'il combattait dans le sentier d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa personne. Au contraire, il était clément et pardonneur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux situations, il optait pour celle qui était la plus facile. Il avait un visage rayonnant et souriant. Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me voyait, il me faisait un sourire. Il nouait sallallahu alayhi wa sallam les liens de parenté. Il était véridique dans ses paroles et il n'hésitait pas à répondre aux besoins des nécessiteux. Khadija radiallahu anha lui a dit, tu noues les liens de parenté, tu es dit vrai lorsque tu parles, tu soutiens le nécessiteux, tu donnes aux démunis, tu es généreux envers l'invité et tu assistes ceux qui sont victimes d'un malheur. Il était sallallahu alayhi wa sallam bienfaisant envers sa mère. Il a visité la tombe de sa mère, a pleuré sallallahu alayhi wa sallam et a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui. Puis a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, j'ai demandé l'autorisation à mon Seigneur de demander pardon à ma mère. Mais l'autorisation ne m'a pas été donnée. Puis je lui ai demandé l'autorisation de visiter sa tombe et il m'a autorisé de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait à être bienfaisant envers son voisin. Il encourageait sallallahu alayhi wa sallam à être bienfaisant et généreux envers son voisin. Il a dit à Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, lorsque tu cuisines une sauce, ajoute de l'eau et donne-en, c'est-à-dire de cette sauce, à ton voisin. كان رقيق القلب رفيقا بمن تحته خدمه أنس رضي الله عنه عشر سنين فما قال له أف قط ولا قال لشيء صنعه لما صنعت ولا ألا صنعت. وكان صلى الله عليه وسلم رحيم بالضعفاء والمرضى أمر من يصلي بهم أن يخفف صلاته من أجلهم رؤوف بالناس شديد الحلم بلى عربي جهلا منه في مسجده صلى الله عليه وسلم فتناوله الناس فقال لهم دعوه حتى يقضي بوله وأهرقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم كثير البذل والعطاء لا يرد سائلا ولا محتاجا. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني. متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام كريم اليد واسع الجود. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين ورأى رجل على النبي صلى الله عليه وسلم بردة فقال أكسنيها ما أحسنها فأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم طيبا لا يأكل إلا طيبا يتوارى عن أي شبهة في المطعم أو المشرب. قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يجل صحابته ويعظم مكانتهم وإن كانوا حديث السن. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو لم يتجاوز حين ذاك 18 من عمره: أوصيكم به فإنه من صالحيكم. رواه مسلم. وإذا مرض أحدهم عاده وحزن لمصابه زار صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فوجد مرضه شديدا فبكى عليه الصلاة والسلام، وحفظ لخديجة مواقفها العظيمة وبذلها السخي وعقلها الراجح، فكان صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير بعد وفاتها ويصل أقرباءها ويحسن إلى صديقاتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur doux et était doux avec ses sujets. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 années de suite. Et durant ces 10 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais dit ouf. Durant ces 10 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à Anas sur une chose qu'il aurait fait: pourquoi l'as-tu faite? Ni sur une chose qu'il a délaissée: pourquoi ne l'as-tu faite? Il était sallallahu alayhi wa sallam miséricordieux envers les faibles et les malades. Il a ordonné que celui qui préside la prière, qu'il allège celle-ci, car derrière lui prient des gens malades. Il était sallallahu alayhi wa sallam compatissant envers les gens. Lorsque ce bédouin a uriné par ignorance de sa part dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont afflué vers lui afin de le corriger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: laissez-le jusqu'à ce qu'il termine d'uriner, puis versez sur son urine un récipient d'eau, car vous avez été envoyé comme facilitant et vous n'avez pas été envoyé comme rendant les choses difficiles. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Il ne refusait jamais à celui qui lui demandait une chose. Il ne refusait jamais à celui qui lui demandait sallallahu alayhi wa sallam. Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu a dit: j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une chose, puis il me l'a donné. Puis je lui ai demandé, il m'a donné. Puis je lui ai demandé, il m'a donné. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la main extrêmement généreuse. Il a donné à un homme un troupeau d'ovins qui se trouvait entre deux montagnes. Et lorsqu'un homme a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une belle tunique, cet homme a dit: comme ta tunique est belle, donne-la-moi pour que je la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors offert. Il était sallallahu alayhi wa sallam bon et ne mangeait que le bon, et il faisait attention et n'hésitait pas à délaisser une nourriture ou une boisson lorsqu'il avait le moindre doute sur sa licéité. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: je faisais le tour de ma famille et lorsque je trouvais une date dans l'endroit où je m'asseyais, je la prenais pour la manger, puis je craignais que ce soit une aumône, je la jetais alors. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait de l'immense importance à ses compagnons et il leur donnait la valeur qui était la leur, même si c'était des compagnons en bas âge. Il a dit, en parlant de Oussama ibn Zayd, alors qu'il n'avait à cette époque que 18 ans: je vous conseille Oussama ibn Zayd, car il fait partie des plus vertueux parmi vous. Rapporté par Muslim. Et lorsque l'un de ses compagnons, radiyallahu anhum, tombait malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait lui rendre visite et s'attristait de sa maladie. Il a rendu visite à Sa'd ibn Ubadah. Il l'a trouvé extrêmement malade et cela a fait pleurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a préservé à Aïcha radiyallahu anha la place qui était la sienne. Il la citait toujours en bien. Et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il nouait les liens avec les proches de Khadija et était bienfaisant, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses amis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. وكان صلى الله عليه وسلم مع عظم أعباء ما وكل إليه من الرسالة كان جميل المعشر مع أهله متلطفا معهم فإذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم يكون في مهنتهم وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كان صلى الله عليه وسلم رقيقا مع أولاده وأحفاده مكرم لهم إذا دخلت ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه وكان يضع الحسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق عليه وخرج على صحابته وبنت بنته أمامة على عاتقه صلى الله عليه وسلم فصلى بها فإذا ركع وضعها وإذا رفعها متفق عليه وصف عثمان رضي الله عنه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير وذاق صلى الله عليه وسلم من الحياة مرها ولواءها قالت عائشة رضي الله عنها دخلت علي امرأة ومعها بنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة متفق عليه وربط صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل أي التمر الردي ما يملأ به بطنه رواه مسلم ولاقى صلى الله عليه وسلم من المحن والشدائد أشقها نشأ يتيما وأخرج من بلده وحوصر في الشعب 3 سنين واختفى في غار ومات له 6 من الولد وتبعه قومه في مهاجره وقاتلوه ومكر به أهل النفاق وسقي السم وعمل له السحر وكان صلى الله عليه وسلم يقول أخفت في الله وما يخاف أحد وأوذيت في الله وما أوذي أحد أعرض عليه الصلاة والسلام عن الدنيا رجاء ما عند الله فكان يقول عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ففارق الحياة ولم يخلف شيئا من حطامها قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء ووصفه علي رضي الله عنه بقوله لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. Et malgré l'immense responsabilité qui pesait sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait convenablement avec les membres de sa famille. Il était doux et miséricordieux envers eux. Lorsqu'il rentrait chez lui sallallahu alayhi wa sallam, il était au service de sa famille. Puis lorsque l'heure de la prière arrivait, il sortait prier sallallahu alayhi wa sallam. Il était doux avec ses enfants et ses petits-enfants et il était généreux à leur égard. Lorsque sa fille Fatima radiyallahu anha rentrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait vers elle, la prenait par la main et la faisait asseoir sur l'endroit où était assis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il posait Al-Hassan sur ses épaules et disait « Oh Allah, je l'aime, aime-le également », rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et lorsqu'il est sorti sallallahu alayhi wa sallam vers ses compagnons, en mettant sur ses épaules sa petite fille Umama. Il a prié sallallahu alayhi wa sallam ainsi, sa petite fille sur ses épaules, puis lorsqu'il s'inclinait, il la posait, et lorsqu'il se relevait, il la remettait sur ses épaules sallallahu alayhi wa sallam. Uthman radiyallahu an a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, nous avons côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage comme en résidence. Et il visitait nos malades, il suivait nos cortèges funèbres, il combattait avec nous et il essayait de nous consoler avec ce qu'il avait en sa possession, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a traversé des moments difficiles dans sa vie. Aïcha, radiyallahu anha, dit, une femme est entrée chez moi, accompagnée de deux filles, me demandant, c'est-à-dire de la nourriture. Elle ne trouva chez moi rien d'autre qu'une seule et unique date, rapportée par Al-Bukhari Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait une pierre à son ventre de par la grande faim de laquelle il souffrait sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiyallahu anhu a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tordre le ventre toute la journée, sans trouver ne serait-ce qu'une date de mauvaise qualité afin de remplir son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu de grandes et immenses épreuves. Il a grandi orphelin, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été expulsé de sa ville. Il a été emprisonné dans l'enclos 3 ans de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû se cacher dans une caverne. 6 de ses enfants sont morts de son vivant sallallahu alayhi wa sallam. Malgré son émigration, son peuple l'ont poursuivi jusqu'à Médine et l'ont combattu là-bas. Les hypocrites ont usé de stratagèmes à son égard. Il a été empoisonné, il a été ensorcelé sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, l'on m'a fait peur pour la religion d'Allah. Comme jamais personne n'a eu peur. Et l'on m'a persécuté pour la religion d'Allah. Comme personne n'a été persécuté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de cette vie d'ici-bas en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah dans l'au-delà. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, qu'ai-je avec cette vie d'ici-bas? Je ne suis dans cette vie d'ici-bas comme un cavalier qui s'arrête sous l'ombre d'un arbre, puis délaisse celui-ci et continue son chemin. Il a quitté cette vie d'ici-bas en ne laissant rien derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et il n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau, ni testament, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, Ali radiallahu anha a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, je n'ai jamais vu avant lui et après lui pareil que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Nasallallahu azza wa jal, an yaj'alana hudatan muhtadin, ghayra dhalin wa la mudhillin. Wa nasaluhu azza wa jal, an yaj'alana min alladhina yaqtaduna bi rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa yuti'una awamirah, wa yajtanibuna nawahih. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, wa adhill ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'da' ad-din. Allahumma a'inna ala dhikrik, wa shukrik, wa husni ibadatik, wa salli allahumma wa sallim, وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.